Nous avons passé maintenant à la communication de Thomas Glessner. La dernière des communications méditerranéennes. Se faire musulman, donc Thomas Glessner, Université d'Aix-Marseille, TLM. Se faire musulman, pratique du travestissement et accès au droit de l'asile, en Espagne, 18e siècle. Merci Natividad. Plaisir aujourd'hui de vous présenter les premiers résultats d'une recherche qui trouve son origine dans le projet qui a été évoqué tout à l'heure, qui avait été dirigé par Jocinda Clia, et que je poursuis dans le cadre d'un autre projet qui est dirigé cette fois-ci par Isabelle Grangot, qui a été mentionné également par Myriam tout à l'heure, Transmed et Palomed, c'est le charme des acronymes des projets méditerranéens, et qui porte sur la mendicité itinérante au XVIIIe siècle, les logiques endogènes de la mendicité itinérante au XVIIIe siècle, en m'intéressant plus particulièrement aux orientaux, qui sont des figures un peu hautes en couleur qui peuplent ce monde de quêteurs. Et derrière ce terme d'oriental, je n'ai pas trouvé pour l'instant de meilleur terme pour les regrouper. Effectivement, on trouve à la fois des musulmans convertis en voie de conversion, mais également des chrétiens orientaux de toutes obédiences et de toutes origines, depuis les Grecs jusqu'aux Maronites syriens, libanais, etc. Je l'ai saisi pour ma part dans les sources espagnoles du XVIIIe siècle, qui me sont plus familières, les sources judiciaires et paroissiales. Dans le cadre de cette communication, j'aimerais m'attarder sur un cas de figure que j'ai rencontré dans les sources judiciaires, et en l'occurrence celle de l'Inquisition espagnole, qui est rare, sans être exceptionnel, et qui me semble particulièrement intéressant. Il s'agit d'individus qui, en Espagne, étant vraisemblablement nés chrétiens en Espagne ou en Italie, se font passer pour turcs ou maures et revendiquent leur appartenance à la religion musulmane. Alors je me permets de m'attarder un petit peu sur l'échantillon que j'essaye de constituer avec soin, parce que j'ai bien conscience que c'est de la constitution effectivement de cet échantillon que je constitue en réalité, où j'érige des pratiques en phénomène social. Donc je me permets de vous l'expliquer. J'ai relevé pour l'instant 7 cas dans 6 procès. 3 cas avérés d'imposture avec aveu du prévenu. En 1738, hein, Juan Bautista Sacaluga, génois, qui se fait passer pour Crépez, turc. En 1743, Josefa Martinez, galicienne, qui se fait passer pour Rudulfa, native de Constantinople. En 1748, Ginés Ramirez, native d'Almeria, qui se fait passer pour Larbi Ben Amar, mort. À ces trois cas, il y en a 2 autres de soupçons avérés, en tout cas avec preuve à l'appui, mais sans aveu. En 1743, Mustafa Ayner, originaire, dit-il, de Damas, turc catéchumène, soupçonné d'être un Espagnol. En 1786, Barbuza, turc converti sous le nom de Joseph Santo Rosario, soupçonné lui aussi d'être à l'origine un Espagnol. Enfin, 2 cas supplémentaires qui sont des Turcs, dont l'origine n'est pas remise en question, mais dont on soupçonne d'avoir déjà été une première fois baptisé, donc des chrétiens qui se présentent catéchumènes, mais qui en réalité donc sont coupables de rebaptême, qui est l'accusation que l'Inquisition porte contre eux. Ce sont des cas différents, puisque dans les premiers cas, à la fois il y a imposture sur l'origine et sur la religion. Ici, dans ce cas-là, il n'y a pas imposture sur l'origine, en tout cas c'est pas celle-là qui est mise en cause, mais davantage sur l'identité religieuse. Je considère ce dernier cas comme une sorte comme de groupe témoin, qui m'évite de poser a priori effectivement une distinction d'une part entre ce qui serait les faux turcs et finalement des vrais turcs, mais me semble-t-il en réalité ce sont davantage des circonstances de l'enquête très souvent et de la procédure qui font surgir le cas d'imposture, et donc ce cas, en tout cas de rajouter ces deux éléments, me permet d'essayer de trouver des définitions qui soient transversales et non pas spécifiques aux faux ou aux vrais imposteurs qui en réalité reproduisent à ce moment-là des classifications judiciaires. Malgré leurs différences, dans ces 7 cas, donc, il y a une incertitude au moment de la procédure sur l'appartenance religieuse du prévenu. À chaque fois, le prévenu se fait passer pour musulman, alors que formellement, il ne l'était pas. soit parce qu'il ne l'avait jamais été, soit parce qu'il avait déjà été baptisé. Tous ces individus, bien que se disant musulmans, sont dans un rapport ambigu au christianisme, puisqu'ils affirment tous être en voie de conversion. C'est un peu les principes qui ont délimité donc cet échantillonnage. Plus fondamentalement, qu'est-ce qui m'intéresse dans ces cas de figure ? D'abord, ce sont des musulmans libres, qui sont dans un rapport au christianisme, des catéchumènes donc, ou en voie de conversion, ou ayant demandé le baptême. Ce ne sont pas donc des musulmans esclaves. Le deuxième aspect qui me semble intéressant, c'est qu'on a finalement un cas d'adoption d'une identité religieuse musulmane, plus ou moins factice, in situ, en terre chrétienne. Aucun des imposteurs révélés n'a séjourné au Maghreb ou en Orient. Donc ce sont des cas d'imposture qui sont sans lien avec la circulation en Méditerranée, et dont on sait, à la suite des travaux des époux Benassar, que le passage entre les rives méditerranéennes donc, a entraîné beaucoup de changements fréquents de religion. Donc ici, on a un travestissement dans une religion minoritaire, dans un territoire où cette religion est interdite et de surcroît persécutée. Troisième élément qui me semble intéressant, c'est que ces individus sont dans un affichage religieux ostentatoire. Ils sont dans la démonstration, dans une démarche revendicative. On est là aussi très loin d'un autre cas de figure qui est bien connu, qui est celui des Morisques, où on a des musulmans anciennement convertis, ou dont la famille s'est convertie, mais qui continuent de pratiquer en secret le rite. Donc cela interroge évidemment les motivations qui amènent ces individus à afficher cette appartenance d'une minorité persécutée. Ça interroge l'idée reçue que l'infidèle serait nécessairement l'archétype de l'infamie, dénué de toute forme de droit et à ce titre juste bon à être réduit en esclavage. Je pense que le fait que tous ces musulmans qui revendiquent une appartenance à la religion musulmane mais sont dans une démarche de conversion pose également question parce que, à première vue, cela pourrait confirmer finalement une idée qui est défendue par certains historiens qui voient finalement dans l'acte de baptême une espèce de droit d'entrée nécessaire pour tous les païens et tous les infidèles pour pouvoir poser le pied en terre européenne. C'est un peu cette idée que le baptême dessine les contours d'une forme de citoyenneté chrétienne européenne, hein, qui renvoie aux racines chrétiennes de cette Europe. Alors je pense que, au contraire, ces procès offrent un éclairage assez neuf sur la question du baptême, qui permet en quelque sorte de sortir de cette espèce de focale théologico-politique macro-historique pour essayer de replacer ce baptême en situation, afin d'en montrer les usages et l'importance notamment déterminante de leur dimension sociale, juridique et matérielle. Enfin, je pense que ces sources inscrivent la question du baptême dans une séquence plus longue qui sort un petit peu des sources dans lesquelles on a l'habitude de le traiter, qui sont en général les registres de baptême et qui saisissent un peu cette action dans un moment, un instant T. Ici, bien entendu, les récits devant les inquisiteurs permet d'avoir davantage d'informations sur les raisons. Alors j'ai adopté un plan qui est un peu moins académique, hein, qui est en quatre parties, qui va d'abord s'intéresser à la façon dont la justice inquisitoriale se saisit de ces personnages et l'image qu'elle en restitue. Ensuite, trois aspects des raisons que les prévenus donnent de leur travestissement. Tout d'abord, l'accès à des biens matériels, que sont ceux de l'aumône. Une aspiration à une forme de réinscription sociale à travers le baptême. Et enfin, une pratique de la distinction à travers l'attention dont ils sont l'objet ou l'accès à de nouveaux espaces qui ne leur étaient pas permis auparavant. C'est un plan à tiroir, donc dès que le petit papier arrivera, je fermerai les tiroirs au fur et à mesure. Ce papier satanique. Bien, alors, peut-être quelques éléments assez rapides sur le prisme judiciaire, parce que beaucoup de choses sont, les tribunaux d'inquisition ont été très étudiés, beaucoup de choses ont été dites. Ce qui est important de remarquer, me semble-t-il, c'est qu'aucun de ces individus n'est véritablement saisi au motif de son appartenance religieuse, alors que celle-ci, je vous l'ai dit, était ostentatoire. Les motifs, il y a plusieurs chefs d'accusation par personne, on a quatre accusations de rebaptême, deux d'imposture, deux de vagabondage, un de guérisseur, un de concubinage, un de blasphème, un de superstition, et deux véritablement qui indiquent un peu plus la dissidence religieuse, un cas d'hérésie et un cas d'apostasie. Donc, ce sont pour des motifs qui relèvent davantage de l'ordre public que de la question religieuse qui amène ces individus devant la justice. Par ailleurs, très souvent, enfin dans la moitié des cas considérés, alors l'échantillon est très petit, donc ça n'a pas véritablement de valeur statistique, mais enfin dans la moitié des cas, l'inquisition est saisie en deuxième instance. Ceux qui sont en première ligne, ce sont les justices locales qui effectivement arrêtent ces individus d'abord et avant tout pour vagabondage, avant que ça remonte à l'inquisition, quand on voit qu'il y a là derrière finalement un jeu sur les identités religieuses. Il y a un cas où l'inquisition saisie renvoie le dossier à la justice locale en disant ça ne nous concerne pas, avant finalement de s'en ressaisir, non pas pour apostasie, mais pour des propos hérétiques qui ont été tenus. Donc, il y a évidemment, ces individus mettent en scène cette appartenance, je vous l'ai dit qu'on était dans une démarche assez ostentatoire, à travers l'habit, évidemment, ici le travestissement au sens premier du terme, Ginés Ramirez s'est déplacé en habit de Turc, il a été pendant 5 mois, dit-il, se comportant comme un mort. Mostapha, lui, se dit catéchumène, fils d'un roi mort, il a fait l'aumône, déclare un témoin, un panier blanc au bras, un anneau dans l'oreille, un bonnet sur la tête avec au sommet cousu une boule qui ressemble à une clochette de plomb ou d'étain. On n'est pas ici devant un habit oriental, mais vraisemblablement davantage dans une tenue, notamment la présence de la cloche rappelle les instruments des quêteurs et notamment des religieux qui quêtent, soit avec des cloches, soit avec des animaux qui portent des clochettes. Des attitudes, évidemment, Ginés Ramirez devant le tribunal a juré, je cite, « levant l'index de la main droite, jurant par Allah qu'il a dit que c'était la façon dont jurent les morts, il a déclaré sa généalogie tout entière de Turc et qu'il professait le Coran ». On a également des récits de vie qui sont plus ou moins crédibles. Rodulfa qui déclare que le père de son compagnon est le roi des Turcs, qu'il est de Damas, qu'on l'appelle le roi des Turcs, que Damas n'est pas en terre de Palestine syriaque, que près de Damas il y a une Syrie. On lui demande ce que c'est la Syrie, elle répond « c'est comme un château où l'on met les morts » et elle a ajouté que le fleuve Tage est près de Damas et que là il rejoint le fleuve Migno et qu'il se jette dans la mer. Donc des récits, d'autres sont beaucoup plus crédibles, avec des récits évidemment de servilité, mais on a effectivement, qui bien entendu soulève le soupçon des inquisiteurs. Donc toutes ces déclarations d'affirmation de leur appartenance religieuse sont évidemment atténuées par le fait qu'ils demandent à recevoir le baptême. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les inquisiteurs s'intéressent assez peu à la sincérité ou non de leur foi religieuse. Hein. Les principales questions qu'ils se posent, c'est de savoir s'ils sont en situation de réitérer le baptême ou non. Donc, des stratégies assez connues, classiques des inquisiteurs pour essayer de dévoiler les impostures, hein. La connaissance de l'arabe, l'inspection physique pour savoir si les individus sont circoncis ou pas, l'aisance dans la langue espagnole, notamment l'utilisation de conjugations difficiles en espagnol qui laisse soupçonner que le personnage n'est pas ce qu'il prétend être, la maîtrise de certaines notions du christianisme, la présence d'objets suspects au moment de la fouille, soit parce qu'ils portent des images de la Vierge, soit parce qu'il y en a une qui porte un morceau de lard dans ses affaires. C'est une procédure donc qui s'en tient au fait, même si on voit dans certains cas des divergences entre les inquisiteurs sur ce qu'on appelle, est-ce qu'il faut juger le fuero intérieur ou le fuero extérieur. Il y a un cas où les inquisiteurs se divisent, l'un considérant que finalement l'individu dans son fuero intérieur n'a pas renié la religion catholique malgré ses changements d'apparence, l'autre inquisiteur considérant que le fuero intérieur relève de la confession et non pas de l'inquisition, et qu'à ce moment-là, ils se doivent simplement de le juger sur son apparence et sur ses paroles. En tout cas, une seule condamnation véritablement pour transgression religieuse, pour reniement, et ce reniement est désigné sous le terme d'apostat, et non pas, me semble-t-il, et c'est intéressant, pour celui de renégat, qui renvoie davantage effectivement à cette idée en plus d'une trahison de la patrie. On est ici, c'est là où ça renvoie à cette idée que je disais, qu'on a des changements de religion, mais in situ, en terre chrétienne. Donc, aux yeux des inquisiteurs, le traitement de ces affaires est surdéterminé, finalement, par le prisme populaire. Avant d'être un crime de religion, c'est un désordre public, une escroquerie, une figure parmi d'autres des impostures ordinaires du monde des vagabonds et des déserteurs. Chez les inquisiteurs, semble-t-il, la possibilité d'une conversion sincère des chrétiens à l'islam en Espagne, donc sans contrainte, n'est pas véritablement considérée, comme si l'absence de toute autorité religieuse musulmane rendait finalement le prosélytisme inconcevable. Et malgré tout, dans un des cas, il y a un couple qui se déplace, et le couple se dit musulman, qui va se baptiser à Saragosse, et en réalité, la procédure nous montre que c'est Mustapha qui a rencontré Josepha sur la route, qui est une chrétienne, et qui l'a incité à se déguiser en musulmane et à continuer la route ensemble. Et là, on a visiblement un cas, alors que Josepha va finalement avouer son imposture, Mustapha, lui, va rester ferme dans sa déposition, en s'affirmant et en continuant à s'affirmer musulman. Donc là, on a vraisemblablement un cas qui pourrait ressembler à une influence, à une forme de prosélytisme, même si cela relève que de l'apparence. Mais visiblement, ces questions-là n'inquiètent pas l'Inquisition. Rapidement, les motifs affichés. Le premier, en tout cas, qui semble le plus évident, c'est l'accès à des biens matériels, et notamment aux biens matériels de l'aumône, dont il ne serait pas privé, bien évidemment, en tant que pauvre, mais le fait de pouvoir se présenter dans les villages comme étant des catéchumènes leur permet notamment de demander des aumônes plus élevées. J'ai pu retracer le parcours à travers les papiers qui avaient été confisqués à l'un de ces mendiants. Là, pour le coup, c'est un musulman converti. Et il collecte, alors que les aumônes, en général, c'est un ou deux réaux ou trois réaux quand ce sont des aumônes individuelles. Ici, il demande des aumônes directement sur les biens de la paroisse. Ce sont 30 réaux par village visité, et sur un périple de 4 jours, il arrive à visiter 16 villages et à lever 480 réaux, ce qui correspond à environ 2 mois et demi de salaire d'un journalier agricole. Donc, on a malgré tout une dimension économique indéniable dans ce travail de cette activité de la mendicité travestie. Mais c'est aussi une façon, et c'est un moyen d'ailleurs pour pouvoir se déplacer, que de s'inscrire dans des chaînes de la recommandation. Ces individus, d'une part, ils ont des papiers, ils ont des autorisations demandées, ça revient à ce qu'on mentionnait tout à l'heure. Malgré tout, ce sont des documents qui les protègent, ce sont des documents qui sont délivrés soit par les autorités royales, soit et majoritairement par les autorités épiscopales. Vraisemblablement, il y a bien entendu la falsification, on voit les papiers qui ont été grattés, sur lesquels on a réécrit les noms, dont comme ils ont toujours une date de péremption, puisqu'on peut faire l'aumône pour 15 jours, 20 jours, 40 jours. Et très souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est surtout le premier papier qui est difficile à obtenir, et ensuite, plus on a des papiers, plus c'est facile en réalité, puisque chaque nouvelle autorité s'appuie sur les papiers qui sont déjà en la possession donc du requérant. Mais ensuite, de toute façon, le fait de pouvoir, on a notamment dans les papiers de ces quêteurs, les attestations des curés de village. Donc, qui simplement un curé qui recommande au curé du village suivant la personne. Et donc, on voit aussi ces individus qui s'inscrivent localement dans des réseaux d'interconnaissance entre les villages. Et donc, également, ces réseaux d'interconnaissance qui se constituent, dans lesquels s'insèrent les quêteurs, leur permet d'arriver au deuxième point, qui est l'un des objectifs principaux, qui est le baptême. Alors le baptême, ici, il faut l'envisager non plus comme étant cette espèce de citoyenneté européenne chrétienne, mais véritablement comme des processus de réinscription sociale qui sont éminemment localisés. Ginès Ramirez dit « Il s'est fait passer pour mort, jugeant que ce serait un moyen de diminuer sa misère, en se faisant baptiser de nouveau, en trouvant un bon parrain. Il s'est fait passer pour mort avec l'intention de trouver un parrain qui l'habille. » Francisco José de l'Incarnation, qui a réitéré le baptême par deux fois, dit l'avoir fait par pure cupidité. Alors ce qui est intéressant, là aussi, par rapport à une position qui voudrait dire que le baptême n'a aucune importance et que finalement c'est des gens qui ne sont qui ont une vision totalement instrumentale, c'est que malgré tout, il y a des contraintes. Trouver un parrain, c'est quelque chose qui est difficile. Il le demande, il le réitère. Barbouzard raconte qu'il a manifesté son désir de devenir chrétien alors qu'il était malade dans un hôpital à Rio Seco. Il l'a fait savoir à un familier de l'Inquisition, mais dit-il, aucun chevalier de la ville n'a voulu être son parrain. C'est alors que le familier l'a recommandé à l'évêque de Palencia. Donc, là aussi, le parrainage, ça suppose des conditions qui sont établies à la fois par le parrain, mais pour lequel le catéchumène a aussi une possibilité de négocier. Joaquín Santa Maria doit, parce que c'est une de ses conditions de son baptême, recevoir 33 coups de fouet sur les mains tous les jours, condition posée par sa marraine. On doit quitter l'amphi à 18h, tu sais. D'accord, je termine. Et donc, pour conclure, donc, je voudrais le dire également que c'est une pratique de la distinction, mais on le lira peut-être. La condition de catéchumène que ces individus revendiquent est une pièce, je dirais, de cette grande mise en scène qu'est le baptême des musulmans, et qui procède par un effet paradoxal, finalement, d'exacerbation de l'altérité, pour mieux faire valoir la grandeur de la conversion. On connaît le prestige de ces cérémonies du baptême, on sait le prestige qu'il apporte pour l'Église, pour les parrains, pour les autorités municipales, mais ce que ces cas d'imposture permettent de voir, c'est que le candidat au baptême en bénéficie également. Du moins, le prestige de ces cérémonies ouvre un espace d'affirmation de l'altérité religieuse qui génère un certain nombre de droits. Donc il me semble que c'est ce que j'essaye de montrer, c'est que finalement le musulman en voie de conversion, c'est une figure sociale et juridique de la pauvreté, qu'à ce titre, elle génère des droits qui ne concernent pas seulement les gens venus d'ailleurs, mais qui permet aussi d'être revendiqué par des religieux. Alors ce prisme, évidemment, impose finalement de sortir de l'angle de la criminalité pour conférer à ces travestissements finalement une dimension revendicative, également sortir du prisme circulatoire qui limiterait finalement cette question de la conversion à ceux des migrants ou des gens venus d'ailleurs. Et il me semble que finalement les expériences méditerranéennes de désaffiliation, de réaffiliation, ces formes anciennes de droit d'asile, ont profondément influencé la définition du pauvre et de la pauvreté tout autant que les pratiques du secours et de l'assistance. Et je pense que dans le contexte actuel, il y a un enjeu important à mettre en lumière cette archéologie finalement méditerranéenne de la question sociale.